Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Du premier principe des êtres ou de la création en général. Après avoir considéré Dieu en lui-même et dans la Trinité des personnes, nous en venons à examiner comment il est le premier principe des êtres. Ce sujet se subdivise en trois parties. La première traite de la production ou création des êtres, la seconde, de leur distinction, la troisième, du gouvernement divin qui les conserve et les dirige. Question 44. De la cause première des êtres. Tous les êtres, même la matière première, ont été créés par Dieu, cause efficiente, exemplaire et finale de tout ce qui existe. 1. Est-il nécessaire que tous les êtres aient été créés par Dieu? Tout être, quel qu'il soit, est nécessairement créé par Dieu, car, pour parler avec l'apôtre, tout est de lui, par lui et en lui. Romains 11, 36. Quand un être n'a pas une propriété par soi, il ne la possède que par communication, et on peut être assuré qu'elle lui vient de celui qui la possède essentiellement. Puisque Dieu est l'être subsistant par soi, et que, comme tel, il est nécessairement un, ainsi que nous l'avons démontré ailleurs, tout autre être en a reçu, par emprunt, qu'il possède d'être. Voyez, en effet, si les créatures n'ont pas plus ou moins de perfection en raison de leur ressemblance avec l'être souverainement parfait. Ce n'était pas sur un autre fondement que Platon disait « Il faut affirmer l'unité avant la pluralité » et Aristote « Ce qui est l'être absolu est la vérité par essence et cause de tout être et de toute vérité. » 2. La matière première a-t-elle été créée de Dieu? Saint Augustin s'exprime ainsi. Vous avez fait deux choses, Seigneur, l'une est près de vous, l'ange, l'autre près du néant, la matière première. Les anciens philosophes, qui n'arrivèrent à la vérité que successivement, et, pour ainsi dire, pas à pas, n'admettez d'autres êtres que les corps sensibles. Loin de croire que la matière fut créée de Dieu, ils la supposaient incréée, et ils en expliquaient les transformations par des causes particulières, telles que la raréfaction et la condensation, l'amitié, la discorde et l'intelligence. Quelques-uns, faisant un pas vers la vérité, donnèrent aux transmutations de la matière des causes plus générales. Aristote leur assigna le cercle oblique, Platon, les idées. Ces deux philosophes, cependant, ne concevant point l'être en général, ne considérèrent encore les choses qu'au point de vue de l'individualité et de la qualité. Comme leurs devanciers, ils s'en tinrent aux causes particulières. D'autres s'élevèrent enfin à l'idée de l'être en tant qu'être, et recherchèrent la cause qui a fait que les créatures sont des êtres et non pas seulement tels ou tels êtres, cette chose-ci ou celle-là. Il fut dès lors évident que la cause universelle des êtres a produit la matière première. 3. La cause exemplaire des créatures est-elle hors de Dieu? L'artisan, qui donne à la matière des formes déterminées, a sous les yeux ou dans l'esprit un modèle qu'il veut reproduire. C'est de la sorte que la détermination de tous les êtres de la nature remonte à l'intelligence qui en a conçu l'ordre et la distinction. La divine sagesse renferme ainsi les raisons de tous les êtres, c'est-à-dire leurs idées, formes ou exemplaires, et, quoique ces idées se multiplient dans les choses extérieures, elles ne diffèrent pas en réalité de l'essence divine, dont la ressemblance est diversement communiquée aux créatures. De cette manière, l'exemplaire de tout ce qui existait non seulement en Dieu, mais est Dieu même. Note. Les créatures ne ressemblent pas à Dieu sous le rapport de la nature et de l'espèce, mais elles lui ressemblent en ce qu'elles représentent l'idée conçue dans l'entendement divin. Ainsi la maison matérielle ressemble à l'édifice qui existait dans l'esprit de l'architecte. Fin de la note. 4. Dieu est-il la fin de tous les êtres? Le Seigneur, dit Salomon, a tout fait pour lui-même. Proverbe 16, 4. Que les êtres imparfaits, qui sont actifs et passifs tout à la fois, se proposent d'acquérir ce qui leur manque, cela se conçoit. Il n'en est pas ainsi de Dieu, à qui il ne manque absolument rien. Le souverain être ne peut avoir d'autre dessein, en agissant, que de manifester ses perfections et notamment sa bonté. La créature veut aussi atteindre sa perfection propre, qui consiste dans la similitude de la perfection et de la bonté divine. Voilà comment la divine bonté est la cause finale ou la fin de toute chose. Note. Tous les êtres, en recherchant ce qui est bon par leur appétit intellectuel, sensitif ou simplement naturel, aspirent vers Dieu comme vers leur fin, car il n'y a de bon et de digne d'être recherché que ce qui participe à la ressemblance de Dieu. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.